Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous voici arrivés à la leçon 22. Notre phrase clé aujourd'hui est... Osokunarimashita. Je suis en retard. Littéralement, je suis devenu en retard. Ce qui signifie dans ce contexte, je suis revenu en retard. Le personnage principal de notre sketch s'appelle Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Anna a passé un si bon moment au karaoké avec ses amis qu'elle n'est rentrée au dortoir qu'après 23 heures, soit passé le couvre-feu. Lorsqu'elle a ouvert la porte d'entrée, la mère du dortoir était là et l'attendait. Écoutons le sketch de la leçon 22. La phrase clé du jour est... Osokunarimashita. Je suis en retard. Okaasan, gomen nasai. Osokunarimashita. Anna-san, 10分 mo chikoku desu. Yakusoku o yabutte wa ikemasen. Sumimasen. Kio tsukemasu. Laissez-moi vous expliquer le sketch. Anna s'est excusée auprès de la mère de son dortoir pour être rentrée tard. Okaasan, gomen nasai. Mère, je suis désolée. Okaasan signifie mère, dans ce cas, du dortoir. Les étudiants qui vivent dans le dortoir appellent la mère de leur dortoir Okaasan. Gomen nasai signifie je suis désolée. Osokunarimashita. Je suis en retard. Littéralement, je suis devenu en retard. C'est notre phrase clé aujourd'hui. Osoku est un adverbe. C'est une forme conjuguée de osoi, un adjectif qui signifie en retard. Les adjectifs qui se terminent en i deviennent des adverbes si l'on remplace i par ku. Narimashita signifie être devenu. C'est le passé de narimasu, devenir. C'est un verbe qui exprime un changement d'état. La mère du dortoir met Anna en garde. Anna-san, 10分 mo chikoku desu. Anna, tu es en retard d'au moins 10 minutes. Anna-san signifie que l'on s'adresse à Anna. 10分 signifie 10 minutes. Ce mot est composé du nombre 10, 10 et de 分 minutes. On dit également 10分 mo est une particule qui met l'emphase sur l'importance du dépassement du couvre-feu par Anna. Chikoku signifie être en retard par rapport à un moment déterminé. Des est une façon polie de conclure une phrase. Nous avons appris mo dans la leçon 17. À ce moment-là, il signifiait aussi. On peut l'utiliser également pour mettre de l'emphase, n'est-ce pas? Oui. 10分 chikoku des signifie tu es en retard de 10 minutes. Si l'on dit 10分 mo chikoku desu, on dit en fait tu es en retard d'au moins 10 minutes. Je vois. Veuillez nous expliquer maintenant comment on compte les minutes. Certaines semblent se prononcer fun, alors que pour d'autres on dit pum. C'est compliqué. C'est vrai. Mémorisons-les de 1 à 10 minutes. Exercez-vous à les prononcer en utilisant le modèle suivant. 1 minute. 1分. 2 minutes. 2分. 3 minutes. 3分. 4 minutes. 4分. 5 minutes. 5分. 6 minutes. 6分. 7 minutes. 7分. 8 minutes. 8分. 9 minutes. 9分. 10 minutes. 10分. Revenons au sketch. La mère du dortoir a dit « Yakusoku o yabutte wa ikemasen. » Il ne faut pas rompre ta promesse. Tu ne dois pas rompre une promesse. On exprime ainsi ce qui est interdit. « Yakusoku » signifie « promesse ».« O » est une particule qui indique l'objet d'une action. « Yabutte wa ikemasen » signifie « il ne faut pas rompre ».« Yabutte » est la forme en « t » du verbe « yaburimasu. Briser, rompre. Si l'on emploie un verbe de forme T et qu'on lui ajoute wa ikemasen, cela signifie ne le fais pas ou tu n'es pas autorisé à le faire. Ikemasen signifie ne pas. Mais, Mélanie, il faut faire attention avec cette expression. Ikemasen constitue un ordre. Donc, cela peut donner l'impression que l'on prend de haut la personne à qui l'on s'adresse. Il ne faut donc pas s'adresser de cette façon à ses supérieurs. Je ferai attention. Anna répond. Sumimasen. Je suis désolée. Anna emploie à la fois sumimasen, je m'excuse, et gomen nasai, je suis désolée. Quelle est la différence entre les deux? Sumimasen est plus formel que gomen nasai. Donc, on dit sumimasen si l'on présente des excuses à nos supérieurs au travail ou encore aux enseignants à l'école. Anna est vraiment désolée d'être en retard. Alors, elle présente ses excuses les plus sincères à la mère du dortoir. Je comprends. Je ferai attention. Signifie « je vais faire attention », sous-entendu « de ne pas faire à nouveau cette erreur ». Veuillez donc retenir cette expression. Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 22. Notre phrase clé aujourd'hui est « Je suis en retard ». Okaasan, gomen nasai. Osoku narimashita. Anna-san, 10分 mo chikoku desu. Yakusoku o yabutte wa ikemasen. Sumimasen. Ki o tsukemasu. Voici maintenant notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Nous avons appris aujourd'hui qu'un adjectif en i, osoi, en retard, se conjugue pour devenir un adverbe, soit osoku. Veuillez nous en dire plus à ce sujet. Demandons à notre professeur. En japonais, on peut conjuguer les adjectifs pour en faire des adverbes. On peut transformer en adverbe les adjectifs qui se terminent en i, tels que hayai, tôt, en remplaçant i par ku. Ainsi, hayai devient hayaku. Si on lit hayaku et narimashita, être devenu, cela donne hayaku narimashita. Littéralement, être devenu tôt. Pour ce qui est des adjectifs en na, je vais vous expliquer comment procéder en utilisant comme exemple l'adjectif jōzu, être bon à. Nous avons appris que lorsqu'un adjectif en na s'applique à un nom, il faut ajouter na après. Donc, jōzu devient jōzuna. On peut transformer les adjectifs en na en adverbe en ajoutant la terminaison ni. Ainsi, jōzu devient jōzuni. Je suis devenu bon à, se dit jōzuni narimashita. C'était notre rubrique Enseignez-nous, professeur. Voici maintenant notre rubrique mots descriptifs des sons. Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Kan-kan. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec l'amour? Non, on l'utilise lorsque l'on est furieux. Vraiment? Y a-t-il d'autres mots descriptifs de sons qui permettent d'exprimer la colère? Pum-pum. Pum-pum. Décrit une personne qui fait la tête. Ensuite? Gami-gami. Gami-gami. Je peux sentir la colère. On peut l'utiliser pour exprimer une colère tenace, d'insatisfaction, grognonne ou de remontrance. Dans notre rubrique mots descriptifs des sons aujourd'hui, nous vous avons parlé de kan-kan, pum-pum, gami-gami, qui permettent tous d'exprimer la colère. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « Les tweets d'Anna ». La mère de mon dortoir s'est beaucoup inquiétée pour moi. J'ai appris que si je prévois d'être en retard, mieux vaut prévenir les gens à l'avance. Avez-vous apprécié la leçon 22? Notre phrase clé aujourd'hui était Osoku narimashita. Je suis en retard. La prochaine fois, nous vous parlerons de la vie universitaire d'Anna. Ne manquez pas notre prochaine leçon.